soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, retour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Radio Station EXP. Tonight we are featuring an interview with a very peculiar-looking gentleman who goes by the name of Mr. Paul Caruso on the dodgy subject of are there or are there not flying saucers, or UFOs. Please, Mr. Caruso, could you give us your regarded opinion on this nonsense about spaceships and even space people? Thank you. As you all know, you just can't believe everything you see in here, can you? Now, if you will excuse me, I must be on my way. But I don't believe it. Vous n'êtes pas sur EXP, mais bien sur Radio Dio 89.5. Des sons sans cible. On ne va pas parler de science-fiction ou d'espace extra-atmosphérique, mais de James Marshall Hendrix, né Johnny Allen Hendrix le 27 novembre 1942 à Seattle, et mort précocement à 27 ans le 18 septembre 1970 à Londres. Des sons sans cible. Émission musicale spéciale Jimi Hendrix, 4 véritables albums à son actif, 3 studios, 1 live. On ne comptabilise pas, bien sûr, les productions sorties anarchiques, multiples, foutraque de sa discographie posthume. Et aujourd'hui, on saisit l'occasion de l'anniversaire de la sortie américaine du deuxième album du groupe The Jimi Hendrix Experience, Axis Bold as Love, sorti le 15 janvier 1968 aux États-Unis, alors qu'il est sorti le 1er décembre 67 au Royaume-Uni, quelques mois à peine après Are You Experienced. Un deuxième album essentiel, magistral, en termes de créativité, d'exploration musicale et sonore, et où Hendrix porte aussi son regard, son travail sur l'enregistrement et empiète ainsi de plus en plus sur le rôle de producteur, dévolu à Chas Chandler aux côtés de l'ingénieur ou des ingénieurs Roger Meyer ou Eddie Kramer. L'enregistrement est bouclé en à peine 16 jours, étalé sur 3 mois, mais finalisé fin octobre 1967. Mais voilà, sans rentrer dans le détail, les détails et toutes les anecdotes qui entourent cet album, pour lequel j'ai une affection bien particulière, je dois dire, je saisis juste l'occasion donc de cette date sortie anniversaire, simple prétexte pour vous proposer cette émission spéciale Jimi Hendrix, où pour une fois vous en entendrez plus parler que de l'écouter en tant que tel. Et ce n'est pas moi qui vais m'y coller, véritablement, mais tout cela a été confié à Yazid Manou lors d'une soirée Hendrix éternelle le 10 octobre dernier à l'Opéra de Saint-Étienne dans le cadre du Rhino Jazz Festival, avec les concerts hommages du Nina Attal Electric Ladyland, référence bien sûr là à son troisième et dernier album studio du Hendrix Experience, et puis son studio d'ailleurs aussi qui porte en effet le nom d'Electric Ladyland, inauguré en août 1970. Concert donc hommage avec Nina Attal et Thomas Naïm solo en octobre dernier et une conférence que donnait donc Yazid Manou en toute ouverture de soirée. Yazid Manou, journaliste spécialisé d'Hendrix. Yazid Manou qui en septembre 1990 avait été l'initiateur du festival Jimmy's Back à Paris à l'occasion des 20 ans de la disparition de Jimi Hendrix avec en point culminant un concert hommage également à l'Olympia par 13 formations dont le bassiste de Jimi Hendrix, Noël Redding. Depuis, Yazid Manou est devenu attaché de presse indépendant, responsable de la promotion du catalogue Hendrix chez Universal Music, MCA, puis Sony Music. Entre 1991 et 2018, spécialiste national de tout ce qui touche de près ou de loin à son héros. Il est également l'auteur ou co-auteur, et je vous le recommande, d'une fameuse docu-BD, bande dessinée, en effet, véritable travail collectif, puisque 27 dessinateurs, dessinatrices se sont attachés à l'exercice d'illustration pour des textes documentaires signés Yazid Manou. La BD Jimi Hendrix est parue en septembre 2022 chez Petit à Petit Édition. Émission donc spéciale, conférence de Yazid Manou. Vous entendrez également Ludovic Chazalon, programmateur du festival Rhino Jazz, en propos introductifs, avant de retrouver donc cette conférence de Yazid Manou. Des sons sensibles spécial Hendrix. Bonne émission, bonne écoute. Bien, merci à tous pour votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence autour de Jimi Hendrix, présentée par Yazid Manou, l'un des grands spécialistes de la carrière de Jimi Hendrix. Et vous en entendrez la teneur et le contenu, car Yazid va vous faire rêver autour de la carrière d'Hendrix. Des remerciements à Yazid Manou, évidemment, d'être présent aujourd'hui. Remerciements également à Alain Audou, collectionneur, l'un des plus importants collectionneurs en Europe, Alain, je crois, de documents et de témoignages autour de la carrière de Jimi Hendrix. Tu nous as prêté quelques objets de ta collection, mais vraiment quelques objets, parce que tu as plusieurs milliers d'objets sur la carrière de cet artiste dont on va présenter deux concerts ce soir. Évidemment aussi un remerciement à l'équipe de l'Opéra et la ville de Saint-Étienne qui nous accueille pour cette soirée et pour cette conférence. Vous dire aussi que on est très heureux de présenter un musicien qui n'est pas forcément dans les musiques de jazz évidemment, mais qui a influencé énormément de musiciens et de musiciennes de jazz. Jimi Hendrix, c'est encore une source de matière musicale incroyable. Et nous avions envie de faire entendre, réentendre ces musiques-là ce soir et cette présentation également, cette conférence que Yazid va vous proposer. Alain Audou, comme je le disais, on a présenté vraiment quelques objets ici même. Il y a un petit glossaire sur le pupitre noir qui pourra aussi vous donner quelques explications. Voilà, c'est à toi. Merci Ludo. Et merci de l'invitation en cette année 2024. Non, on n'est pas en 2024 ? Ah bon. Les fans ont commémoré le 54e anniversaire de la disparition de Jimi Hendrix il y a quelques semaines, le 18 septembre 2024. Je suis toujours étonné de voir à quel point Jimi, pour moi c'est évident, mais on en parle toujours. Il y a des artistes comme ça qui pour moi, seront toujours là. Je me répète, mais j'adore à chaque fois répéter la phrase de Pete Townshend, le guitariste des Who, qui avait dit il y a déjà bien longtemps, si on parle d'un musicien dans 100 ans, ça sera Jimi. Alors, on ne sera peut-être pas là pour le vérifier, mais en tout cas, j'y crois très fort. Donc Ludo a annoncé que j'allais vous faire rêver, je ne suis pas sûr, puisque mon idée, c'est de vous parler de la vie de ce personnage, qui est au démarrage une vie un peu à la Cosette, donc c'est pas top top. En général, quand je fais les conférences, je démarre carrément au milieu du 18e siècle, et on m'a fait comprendre que « Ah non, mais c'est un peu loin, là, pourquoi tu vas si loin ?» Bon, voilà, donc je vais avancer un peu, surtout que j'ai pas 4 heures, on m'a dit. Donc je vais démarrer avec une femme qui s'appelle Nora. Nora, qui est une descendante de la tribu Cherokee. Sa grand-mère était une pure indienne Cherokee. Et donc on est aux États-Unis, évidemment. Nora rencontre un policier de Chicago qui s'appelle Bertrand Philander Ross Hendrix. Vous avez donc compris que les deux vont s'associer. Et Nora et Bertrand Philander, ce sont des artistes de rue, ce qu'on appelle à l'époque des troubadours. Donc ils sont dans une troupe et ils vont de ville en ville. Parce qu'à l'époque, évidemment, pas de télé, la radio balbutiait, évidemment, au 18e siècle, pas vraiment, au 19e. Et donc c'était l'attraction, puisque ces troupes de musiciens, d'artistes, allaient comme ça sillonner les États-Unis de ville en ville. Donc vous avez des chanteurs, vous avez des jongleurs, vous avez voilà, toutes sortes d'artistes dans la profession. Donc Bertrand et Nora ont fait ça pendant un petit bout de temps. Et puis au moment où les choses ont un peu moins marché, et surtout la fatigue de la route, ils ont décidé de s'établir du côté de Vancouver, donc au Canada, parce que le papa Bertrand, enfin il n'est pas encore papa, mais il a trouvé du boulot dans cette ville. Donc ils se sont établis à Vancouver. Ils ont eu 4 enfants, Léon Marshall, Frank, Patricia, et le dernier, né en 1919, James Allen, dit Al. Donc j'avance un peu dans le temps, sinon on y est encore pour ce soir. Alors d'abord, premier malheur dans la famille, la disparition de Léon Marshall, donc le fils aîné. Ensuite, le patriarche, le papa Bertrand, décède. Et c'est là que la famille se désagrège un petit peu. Et donc le petit dernier, Al, je dis petit parce qu'il était petit de taille, Al décide d'aller tenter sa chance un peu plus au sud, donc il descend à Seattle. Lui, Al, il n'a pas fait d'études. L'école, c'est pas son truc, c'est surtout un manuel. Il a fait plein de petits boulots. Et donc un soir, dans un club de danse, il rencontre une très jolie jeune fille, très jeune, Lucille Jeter. Les deux se mettent en couple. Les choses ne durent pas longtemps parce que là, nous sommes en 1941. Et le 7 septembre 1941, c'est l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais qui débarquent aux États-Unis. Du coup, Al est obligé de s'enrôler assez vite dans l'armée. Il se marie à toute vitesse en mars 1942 et Al part directement sous les drapeaux en laissant Lucille, à peine 16 ans, enceinte. Et donc vous aurez compris ou pas que le premier enfant de la famille. Alors, c'est là où les ennuis commencent. Al est sous les drapeaux et il apprend par télégramme la naissance de son fils qui s'appelle ou a été appelé par sa maman Johnny Allen. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Johnny Allen Hendrix. Alors le problème c'est que voilà, c'est la guerre, Al est black, le racisme à court, et de toute façon comme il est à des milliers de kilomètres de sa ville, impossible pour lui de pouvoir s'absenter pour aller assister à la naissance de son gamin ou de voir son gamin. Donc il a attendu d'être mis dehors, de quitter l'armée pour pouvoir récupérer son enfant. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, Lucille, très jeune, était une, et c'est aussi pour ça qu'ils sont accoquinés tous les deux, était une femme qui adorait faire la fête, mais vraiment adorait faire la fête. Et donc, quand elle a eu son premier enfant, Johnny Allen, elle s'en est pas vraiment occupée. L'enfant a été trimballé de famille en famille. Un coup, il était chez la grand-mère, un coup, il était chez les tantes. Lucille partait pendant un jour, deux mois. Enfin bon, ça a été un peu compliqué. Al, il était plus ou moins... Enfin, évidemment, il n'y avait pas de... C'était pas évident pour lui de savoir ce qui se passait. Mais ce n'est qu'en 1945, donc à la capitulation japonaise, qu'il a pu rentrer à Seattle, qu'il s'est rendu compte que son enfant n'était pas là. Il a fallu qu'il aille le chercher dans une famille d'accueil du côté de Berkeley, en Californie. Donc imaginez donc, la tête du petit qui rencontre son papa pour la première fois. Il a 3 ans, 3-4 ans. Tout de suite, Al décide de rebaptiser le nom de son fils parce que Lucille l'a appelé Johnny Allen. Alors il faut savoir que Lucille, qui traînait à droite à gauche, fricotait avec un certain John Page. On ne sait pas trop ce qu'il faisait, c'était un docker, très mauvaise réputation. Et vous imaginez donc la tête de Al apprenant que son fils s'appelle Johnny Allen. Ça ne lui a pas plu du tout. Et donc c'est pour ça qu'il a rebaptisé son fils James Marshall Hendrix. Marshall, en souvenir de son oncle, enfin de son frère, de son, pardon, l'oncle de Jimmy, donc le frère aîné de Al, qui est mort assez rapidement, Léon Marshall. Donc il récupère son fiston, ils se remettent à la colle tous les deux avec Lucille, ça ne dure pas très longtemps, parce que les disputes, parce que l'alcool, parce que, enfin voilà, c'est un peu le bordel à la maison. Mais quand même, 6 ans plus tard, un autre enfant naît, qui s'appelle Léon, Léon Hendrix. Alors ce qui est intéressant, enfin c'est intéressant parce que j'ai lu des choses plus tard, Al dans sa biographie, donc beaucoup plus tard, bien sûr il a accueilli l'arrivée de Léon, mais il a toujours écrit que Léon n'était pas son fils. Bon voilà, on rentre un peu dans les... Bref, mais les choses ne sont pas terribles à la maison parce que, comme je vous l'ai dit, les disputes sans arrêt, parce qu'ils adorent faire la fête, Al joue au poker, ils n'ont pas d'argent, enfin c'est la galère, Lucille vient, Lucille s'en va, donc c'est un peu compliqué pour les deux enfants. Jimmy doit s'occuper de son petit frère. Souvent, quand il rentre de l'école, les parents ne sont pas là. Il faut qu'ils se débrouillent. Ils n'ont pas à manger. Ils vont chez les voisins. Bon, voilà. Vous imaginez donc un peu la vie difficile à Seattle. Il a eu un nombre... Donc, j'avance un peu dans le temps. Il a eu un nombre de changements d'école inimaginables. Et il n'était pas... manifestement, l'école, ce n'était pas pour lui. Alors, son lien avec la musique, il est arrivé... non pas tôt, c'est vrai qu'il a eu assez rapidement un ukulélé, vous savez les guitares à une corde, ensuite il a eu un harmonica, mais ce n'est qu'à l'âge de 14 ans que son père, Al, a finalement accepté sous la pression d'amis de la famille, de tantes, etc., de donner une guitare sèche à son fils, parce que manifestement, et ça je l'ai aussi lu, il y avait des aptitudes assez poussées de la part de Jimmy pour jouer de la guitare. Alors moi, j'ai lu des choses, parce que sur Hendrix, ça part un peu dans tous les sens. Il y a des rumeurs et des légendes. Je me rappelle avoir lu une fois qu'il paraît qu'il allait à l'école avec un balai, qu'il était en train de jouer. Enfin, bon bref, j'essaie de distinguer le vrai du faux. Mais on dit que les professeurs ont eu des réunions avec le papa en expliquant que physiquement, leur enfant, enfin l'enfant de Hal et de Lucille, avait manifestement besoin urgent d'une guitare. Donc je ne sais pas comment ça se manifestait en classe. Quand vous avez des batteurs, ils sont toujours en train de faire ça. Est-ce que Jimmy était avec des... Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, une fois qu'il a eu cette guitare, la vie a complètement changé pour lui. D'autant plus que, bon, je vous racontais les allées et venues incessantes de la mère qui venait, qui repartait, qui venait, qui repartait. Ils ont fini par divorcer en 51. La maman, elle, est décédée parce qu'elle était de santé fragile. On l'a retrouvée dans la rue, la rate éclatée. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là que des choses ont balancé dans l'esprit de Jimmy. Parce que, donc, un an après la guitare sèche, évidemment, il est rapidement passé à l'électrique. Donc son père a consenti à lui acheter une guitare dans les magasins Myers. Donc il a eu sa première guitare, une Supro Ozark. Et là, je pense qu'il y a eu... moi, j'explique ça en pensant que c'était une sorte de transfert. Parce que tout son amour de sa maman, toute cette rage, toute cette colère, pour moi, il l'a mise dans la guitare. Donc il a complètement... il s'est complètement lancé dans la musique. On a remarqué qu'évidemment, il avait quelques aptitudes, qu'il écoutait les groupes de rhythm and blues de l'époque à la radio. Donc il s'est lancé comme ça, à corps perdu dans la guitare. L'école, c'était un peu terminé pour lui. D'ailleurs, il s'est fait jeter de l'école. Il a toujours dit qu'il avait quitté l'école parce qu'il tenait la main d'une fille blanche et qu'on l'achetait pour ça. Mais je pense qu'il a un peu exagéré. Mais l'école, il n'en avait absolument rien à faire. Le problème, c'est qu'il ne s'entendait pas beaucoup avec son père. Son père était assez exigeant parce que Jimmy n'allait pas à l'école. Jimmy faisait des conneries. Donc son père lui demandait d'aller l'aider dans les petits boulots que le père avait. Bon, ce n'était pas terrible entre eux. La vie a fait qu'à un moment donné, Jimmy, il s'est retrouvé par deux fois dans des voitures volées. Donc là, il a fini au palais de justice. Et donc le juge avait deux solutions pour lui. Soit la tôle, soit l'armée. Là, le choix a été vite fait. D'autant plus que Jimmy avait cette fierté par rapport à son papa qui s'était donc enrôlé dans l'armée. Et donc, peut-être pour faire plaisir à son père, peut-être pour... voilà, il a fait en tout cas une bonne décision. C'est qu'il a choisi l'armée. Et donc, il s'est enrôlé dans les 101e division, la 101e division aéroportée de parachutistes. Donc là, il est parti pour la première fois très loin de Seattle. Et c'est pendant ces années d'armée qu'il a rencontré son futur bassiste, Billy Cox, qui dit avoir, à un moment donné, dans les casernes, entendu un son bizarre de guitare, parce qu'évidemment, on l'a su après, Jimmy, il n'était pas très assidu aux tâches militaires. Et donc, pareil, il pensait qu'à jouer. D'ailleurs, assez rapidement, une fois qu'il est arrivé à l'armée, au bout de quelques semaines, il a insisté pour que son père lui renvoie sa guitare. Donc Jimmy avait sa guitare à l'armée. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus tard, au cours d'un livre qui s'appelle Coast on Traffic, d'un Américain de Seattle qui s'appelle Charles Crow, qui a écrit un livre que je vous recommande. La traduction française n'est pas terrible, L'expérience des limites. Tout ça pour dire que Charles Crow a fait une étude assez poussée, parce que dans toutes les biographies, quand on demandait à Jimmy, ou sans qu'on lui demande pourquoi il avait quitté l'armée, il a toujours dit qu'il s'était blessé au cours d'un saut en parachute. Donc c'était marrant parce qu'un coup il se blesse à la cheville, une autre biographie il se blesse au dos, il se blesse à la jambe. Et Charles Crow a fait des recherches pour son livre sorti en 2005 et il a retrouvé les dossiers du soldat Hendrix. Et c'est donc en 2005 qu'on a appris que Jimmy ne s'est pas fait jeter de l'armée pour cause de blessure en saut de parachute parce qu'il s'est fait passer pour un homosexuel. Voilà. On avait dû lui dire à l'époque voilà les petits trucs qu'il faut faire pour essayer de quitter l'armée. Et donc, le jeune Hendrix s'est fait choper plusieurs fois dans les toilettes en train de se masturber, déclarait qu'il était amoureux d'un soldat. Enfin bref, il a été voir le psy, on a dit bon, « on ne veut plus de vous ». Et c'est pour ça qu'il est parti, mais évidemment, il n'a jamais dit ça à la presse. Voilà, donc je vous donne une info. Bref, en tout cas, la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jimmy se retrouve dehors. Parce que quand on sait le peu de temps qu'il a passé parmi nous, il faut quand même savoir que Jimmy, il a passé 13 mois à l'armée, ce qui est énorme. Mais par ce subterfuge, il sort en 61. Il ne rentre pas à Seattle, ville qu'il a toujours détestée. Il a toujours dit, le jour où je rentrerai à Seattle, ça sera dans un cercueil. Mais il n'a jamais aimé cette ville, bon, par rapport à tout ce que je vous ai raconté sur son enfance. Donc il s'est établi du côté de Clarksville, à côté de son camp militaire. Et il a juste attendu 3 mois que son pote Billy Cox soit aussi libéré de ses obligations militaires. Et donc tous les deux, ils ont un peu bourlingué du côté de Clarksville, du côté de Nashville. Ils ont joué dans des petits groupes. Et c'est à cette partie-là, à ce moment-là, que véritablement Jimmy commence à s'imprégner de la scène. Parce que pendant ces années après l'armée, il joue avec un nombre incalculable de groupes de rhythm and blues. Donc ça part un peu dans tous les sens. Et c'est un peu le musicien d'appoint, le guitariste qui vient faire des solos précis. Et c'est là que tu vas intervenir, parce que j'ai des petites images que je vous ai amenées. Et donc là, vous allez voir, on est en 65. C'est les premières images vidéo de Jimi Hendrix. Là, il fait une télévision avec deux musiciens qui s'appellent Buddy and Stacy, qui jouaient dans la troupe de Little Richard, avec qui Jimmy, entre parenthèses, a joué pendant 6 mois. Et l'introduction de la vidéo, c'est Faye Prittgon, qui est une Américaine, une ex-copine de Sam Cooke, une copine de James Brown, qui connaissait un peu tout le monde, et qui parle dans ce documentaire. Et donc, quand la vidéo va se lancer, donc j'insiste bien sur ce que vous allez voir, c'est les premières images de Jimmy. Vous avez les deux musiciens, les deux chanteurs Buddy and Stacy. Et ce qu'il faut voir, c'est complètement sur la gauche, vous allez voir James Marshall Hendrix, donc en costume. Donc j'insiste bien sur cette partie parce que ce que vous voyez là, c'est en gros ce que Jimmy a fait entre 62 et 65. C'est qu'il a accompagné tout un tas de groupes, mais il avait un rôle très précis. Et quand on sait ce que Jimmy est capable de faire, c'est l'image que vous connaissez de Jimmy à partir de 66, on imagine toute la frustration qu'il a dû endurer parce que ça le démangeait. Donc on va lancer les images et attends, je vais encore dire 2-3 choses. Et c'est vrai qu'il faut bien le regarder parce que dans sa façon de jouer, vous allez voir qu'il a déjà ses petits gimmicks dans sa façon de jouer de la guitare et que ça le démange. Et sauf qu'il est, ben il est derrière, il n'est pas devant. Donc on ne sait pas ce qu'il avait en tête, mais il était patient. Il n'avait pas le droit de commencer à triturer les amplis, parce que dès qu'il le faisait, évidemment, il se faisait jeter des groupes parce que l'ampli était trop fort, parce que le solo était trop long. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'extrait que vous allez voir. Donc ce sont les premières images de Jimmy, et vous allez voir un Jimmy très impatient. C'est parti. Alors, he was reduced to playing top 40 stuff. A lot of side men. They were gonna be side men. They weren't trying to go somewhere, but Jimmy was trying to do something else. Vous avez eu le temps de regarder ou pas? Bon, prenons le temps, non, parce que là on est toujours en 65 avec moi, donc non, mais ça c'est important parce que c'est vrai que moi quand je fais mes conférences, je passe déjà plus de temps avant la notoriété qu'après. Voilà, c'est un peu mon truc. Mais parce que en expliquant bien la façon dont il a vécu et ce qu'il a fait avant, on comprend ce qui a pu se passer après. Donc l'extrait que vous avez vu là, il faut donc l'imaginer dans ce même genre de costume, jouant inlassablement les mêmes solos. Alors de temps en temps, il a eu des rencontres avec, par exemple, les Isley Brothers, qui avaient été connus en 66 parce qu'ils avaient en 65 parce qu'ils avaient fait le fameux morceau Shout. Et Twist and Shout, qui a été classé dans les charts. Et eux, les Isley Brothers, ils l'ont engagé dès qu'ils l'ont vu jouer. Et eux, la relation s'est plutôt mieux passée parce qu'ils laissaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Le fait que Jimmy joue avec les dents, bon, c'est une des images les plus connues au monde, c'est pas lui qui l'a inventé. Hein. Dans ses années de labeur, il l'a vu faire et il a dit, tiens, ça c'est un truc qui pourrait m'aller. Et donc... voilà, il l'a incorporé dans son jeu. Et surtout, il n'est pas con. Il a vu, en fonction de ce qu'il faisait, comment le public réagissait. Et donc, évidemment, bon, Jimmy et les femmes, c'est encore une autre partie, mais je ne vais absolument pas avoir le temps d'en parler. Mais il voyait bien comment les gens réagissaient par rapport à tel ou tel geste. Et donc, c'est là qu'il a appris tous ces trucs. Et j'ai toujours l'habitude de dire que Jimmy, en fait, c'est une éponge. C'est-à-dire qu'il voyait des musiciens, il leur parlait, il essayait de voir comment ils jouaient, il leur posait des questions. Et donc, il s'imprégnait de tout ce qu'il voyait. Donc, pendant ces années de circuit, c'est là qu'il a appris énormément de choses. Donc, on avance dans le temps. Il rencontre en 65 un musicien qui s'appelle Curtis Knight. Alors, Curtis Knight, ça va être important parce que Curtis Knight, qui est un chanteur black, lui fait rencontrer un monsieur qui s'appelle Ed Chalpin. Alors, Ed Chalpin, c'est un producteur qui a, lui, l'habitude de prendre des morceaux hyper connus et de les faire rejouer par d'autres gens et de sortir des disques. Enfin, c'est un magouilleur assez connu dans le métier. Pareil, il a vu ce qu'il pouvait donner, ce qu'il pouvait faire de Jimi Hendrix. Il lui a fait signer un contrat. Et il faut savoir que Jimmy, dans ces années-là, bah, il crevait un peu la dalle. Il signait tout ce qu'il fallait signer. Il n'en avait rien à faire du moment qu'il avait ses quelques dollars. Donc il a signé plein de contrats pendant cette période-là. Sauf que celui-ci va quand même lui poser quelques problèmes plus tard. Donc c'est évidemment un contrat où il gagnait genre un dollar. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est que Ed Chalpin a signé Jimmy pour 3 ans. C'est important parce qu'on est en 65. Donc Ed signe Jimmy pour 3 ans. On avance dans le temps. En 66, Jimi Hendrix décide d'arrêter de jouer avec tous ces groupes que vous avez, enfin, tous ces musiciens, et fonde son premier groupe, Jimmy James and the Blue Flames. Donc là, on est à New York, dans le Greenwich Village. Il joue notamment au Café Wa, qui est un lieu célèbre où Dylan notamment a joué. Et en 66, une certaine Linda Kiss arrive à Londres, arrive de Londres, arrive à New York. Linda Kiss, c'est la petite copine de Keith Richards. Elle est arrivée quelques semaines avant l'arrivée des Stones, qui débarquaient pour leur 5e tournée. Et Linda Kiss, c'est pas une tête chercheuse, mais elle aime bien aller dans les clubs, elle voit un peu ce qui se passe. Et dans un petit club qui s'appelle le Cheetah, où Jimmy jouait, non pas avec Jimmy James, mais déjà avec Curtis Knight, elle a remarqué ce guitariste. Donc il y a eu un, je sais pas comment disent les jeunes, un crush, il y a eu quelque chose entre eux, mais cela ne nous regarde pas. Et donc elle l'a amené à sa table. Une relation s'est nouée entre tous les deux. Bon, je pense qu'elle est tombée complètement folle de lui. Et donc, elle a tout fait pour se... Elle trouvait totalement impossible qu'il ne se passe rien pour ce guitariste. Elle le trouvait extraordinaire, elle le trouvait beau, elle le trouvait fantastique. Et donc, c'était pas possible que Jimmy galère à New York et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui l'ait repéré. Donc, elle a fait ce qu'elle a pu. Donc, le premier qu'elle a contacté, c'est Andrew Lou Goldham, donc le manager des Stones, qui n'en a pas voulu. Alors, c'est bien parce que moi, j'ai rencontré plus tard Andrew Lou Goldham, qui est toujours vivant. Et évidemment, la question... Quand Linda vous a présenté Hendrix, vous avez dit non, vous ne l'avez pas signé, vous n'avez pas... Bon, il m'a répondu ce qu'il devait répondre à des tonnes de fans qui l'approchaient, en me disant, écoute, Linda fricotait avec Jimmy. Linda, à l'époque, était la copine de Kiss. Mais tu vois un peu le bordel si je commence à m'occuper d'Hendrix. Surtout que Linda, après, était avec Brian, enfin bon, bref. Donc là, on est en dehors de la sphère musicale, mais... indépendamment du talent qu'il lui trouvait ou pas, il n'était pas question que Andrew Lou Goldham s'occupe de Jimmy. Elle a été voir ensuite un certain Seymour Stein de Sire Records, qui avait lancé plus tard The Cure. Pareil, ça n'a rien donné. Et la chance a voulu qu'un peu plus tard, là on est au mois d'août 66, elle apprenne que les Animals, groupe extrêmement connu à l'époque, mené par Eric Burdon, avec le tube... House of the New Rising Sun, qui a donné les portes du pénitencier, que vous connaissez tous évidemment, décide donc d'arriver aux USA pour une dernière tournée parce que le groupe était sur le point de se séparer et que le bassiste du groupe, le grand Chas Chandler, lui est décidé de faire de la production et de trouver un artiste. Donc vous voyez où je veux en venir. Comme tout le monde se connaît dans ce petit monde anglais, Linda a rencontré Chas Chandler lors d'un concert des Animals à New York, et a insisté en disant « Mais il faut absolument que tu viennes découvrir ce Jimi Hendrix. » Chas Chandler, ok. Et donc, Chas s'est pointé au Greenwich Village, dans le fameux club Café Wa, au moment où Jimmy jouait avec Jimmy James and the Blue Flames. Et là, le premier morceau que Jimmy, avec son groupe, joue, c'est Hey Joe. Donc, ai-je besoin ici de vous rappeler que Hey Joe n'est pas un morceau de Jimi Hendrix? C'est un traditionnel folk repris par des tonnes d'artistes. Jimmy a simplement repris... Il y avait une version des Leaves qui était, mais alors, hyper rapide. Il a simplement repris la version d'un certain Tim Rose qui avait déjà ralenti le titre et il l'a joué à sa façon. Et là, Chas, en voyant ce jeune black jouer Joe, il est... voilà, il a eu aussi un crush, mais à un autre niveau. Et il dit, mais voilà, c'est la personne que je recherche. Donc c'est comme ça que la rencontre s'est faite, d'où l'importance capitale. On parle toujours de Chas Chandler dans la vie de Jimmy, mais s'il ne croise pas le chemin de Linda Kiss, on n'en serait pas là. Donc respect à Linda, qui est toujours vivante d'ailleurs. Donc Chas décide de s'occuper de ce jeune musicien totalement inconnu. Alors c'est drôle parce que, bon, vous avez compris que Jimmy, il a bourlingué pendant des années, il ne se passe rien pour lui, il joue dans des clubs, mais bon, il aurait pu durer comme ça, parce que les gens peuvent dire, bah oui, mais il est tellement bon qu'il aurait peut-être pu exploser, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, il ne se passait pas grand-chose. Donc quand Chas lui a dit, bah écoute, moi je te propose de m'occuper de toi et de t'amener à Londres. Et alors une des conditions, alors c'est marrant parce qu'on dit conditions, alors que je pense que Jimmy, au point où il en était, il aurait signé, il serait parti n'importe où. Une des conditions de Jimmy, c'était de dire tout de suite à Chas, mais ah oui, Londres, évidemment, il n'est jamais sorti des USA, mais est-ce que je vais rencontrer Clapton? Voilà, c'était son truc. Est-ce que je vais rencontrer Clapton? Alors, vous imaginez bien que Chas Chandler, bassiste des Animals, connaissant toute la scène anglaise, les Animals, les Beatles, les Stones, enfin bon, c'était, voilà, il n'y a aucun problème pour que tu rencontres Clapton. Et moi, ça m'amuse parce que j'ai toujours pensé que Jimmy, même s'il était effectivement très humble, a toujours été extrêmement conscient de ses capacités. Voilà. Et que, bon, ça c'est moi qui me fais ça dans mon petit délire, je pense qu'il sait ce qu'il vaut, il savait ce qu'il valait, et que le dieu à l'époque, le dieu de la guitare, c'est Eric Clapton. Et il avait déjà en tête de se confronter à Clapton, parce que de là à dire, en étant à New York, sans sous, sans rien, est-ce que je vais rencontrer Clapton? Je pense que ce n'était pas juste pour dire « Bonjour, Monsieur Clapton, je m'appelle Hendrix et j'adore ce que vous faites. » Je pense qu'il avait d'autres idées en tête. Bref, toujours est-il que le deal est signé et Chas emmène son poulain à Londres. D'ailleurs, c'est à cette période que Jimmy se fait véritablement appeler Jimmy, J-I-M-I. Parce que souvent, on voit marqué J-I-2-M-Y. Alors moi, je passe mon temps à dire « Mais non. » Avant, ça s'écrivait comme ça. Mais à un moment donné, avant d'arriver à Londres, ils ont décidé de simplifier les choses. Donc, J-I-M-I, Jimi Hendrix, débarque à Londres le 24 septembre 66. Bon, en général, je balance plein de dates, mais là, j'insiste parce que vous allez voir, à partir de ce moment-là, les choses vont aller d'une vitesse incroyable. 24 septembre 66, un inconnu nommé Jimi Hendrix débarque à Londres. Immédiatement, Chas Chandler l'amène chez le musicien anglais Zoot Money, qui est décédé il y a quelques semaines. Le but de Chas, c'est d'aller très très vite et de faire connaître son poulain à toute la scène anglaise. À ce moment-là, il y a une audition qui est faite, parce que, évidemment, l'idée de Chas, c'est de monter un groupe autour de Jimmy, et Chas a vite compris qu'il fallait avoir... il avait Hendrix, il fallait qu'il ait un batteur, et qu'il ait un bassiste. Il y a une annonce qui paraît dans le Melody Maker, donc le journal de l'époque, très très grand journal anglais, parce que les Animals s'étant séparés, si vous suivez, ils cherchaient un guitariste. Et il y a un jeune homme du côté du Kent, qui voit l'annonce du Melody Maker, ah, il cherche un guitariste, il prend son train de banlieue, il monte à Londres, il arrive dans les bureaux des Animals. Ce jeune homme s'appelle Noel Redding. Il est guitariste. Sauf qu'on lui dit, ah, c'est con, la place a été prise. Mais par contre, on a un jeune gars, un Américain, qui vient d'arriver, on est en train de monter un groupe, peut-être que... bon, les deux se mettent à jouer, se mettent à parler... Jimmy adore la coupe de cheveux de Noel Redding. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il l'a pris, mais en tout cas, j'adore sa coupe de cheveux. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu te mettes à la basse. Alors, je le dis de façon assez solennelle, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps, mais plus tard, vous allez comprendre que le fait que Noel Redding, qui est guitariste, ait décidé de se mettre à la basse, il y a aussi une frustration de sa part qui arrivera plus tard et qui provoquera quelques petits problèmes. Enfin, en attendant, Noel Redding accepte de se mettre à la basse. Il y a une audition pour trouver un batteur. Il y a une sorte d'échange entre un batteur blanc qui s'appelle Ensley Dunbar et un autre qui vient de se faire jeter d'un groupe et le groupe en question, comment dirais-je, le batteur du groupe en question s'appelle Mitch Mitchell, c'est un groupe plutôt jazz. Personne n'arrive à se décider entre est-ce qu'on prend Mitch, est-ce qu'on prend Ansel Dunbar, et en fait ça se joue à pile ou face. Voilà. Et c'est Mitch qui gagne, et qui donc a le droit de rentrer dans le groupe qui va donc s'appeler The Jimi Hendrix Experience, avec Noel Redding à la basse, ancien guitariste, Mitch Mitchell qui vient du jazz, Noël qui vient du rock, Jimmy qui vient du blues. Je dis tout ça parce que pour moi, c'était la mixture parfaite. Voilà. Et donc, le trio est né. Là, on est toujours en septembre 66. En fait, je suis en train de penser, je vais quand même montrer le Wild Thing à l'Olympia. Donc, oui, on est en France. Les images ne sont pas très connues. C'est les seules images, on ne sait pas pourquoi, mais c'est les seules images qu'on ait de Jimmy à l'Olympia. Donc, on est le 9 octobre 67. Donc, c'est quelques mois après le festival de Montreux. Jimmy a fait la première partie de Johnny, ça a duré 10 minutes. Donc, il n'était pas connu, il est passé comme ça, voilà. Et par contre, une fois que l'album Are You Experience est sorti au mois de mai, alors la cote a explosé, le festival de Montreux. Et donc, le 9 octobre, quand il arrive à l'Olympia, là, c'est l'émeute, la salle est pleine, les gens viennent que pour lui. Et donc, le concert est sorti, hein, je le dis pour ceux que ça intéresse, avant on le trouvait en pirate, il est sorti officiellement. Il manque un ou deux morceaux, mais bon, on s'en contentera. Et donc là, c'est, on ne sait pas, il y a une équipe télé qui a filmé, on ne sait pas ce qu'elle a filmé, mais il ne nous reste qu'un seul morceau. Donc c'est Wild Thing à l'Olympia en 67, le 9 octobre. Dick, we're going to do Wild Thing, all right? And everybody sing, all right? You, yeah. Sure. Come in, I'll suck it to you. Il faut que je fasse évidemment un petit aparté sur un personnage immense qui s'appelle Johnny Hallyday, parce que le 29 septembre, Johnny, lui, il est à Londres parce qu'il enregistre un album qui s'appelle La Génération Perdue. Et l'attaché de presse, l'ingénieur du son à l'époque, Giorgio Gomelski, qui a été d'ailleurs un des managers des Stones au début, après une longue journée de travail, décide d'amener sa petite troupe, donc là je pars de la troupe de Johnny, dans un club qui s'appelle le Blazes. Il y a eu plein de versions sur cette histoire-là, mais je donne celle qui me paraît la plus intéressante et celle qui m'a été donnée par mail par Giorgio Gomelski. Donc la troupe de Johnny arrive au Blazes, qui est un petit club en Angleterre, à Londres. Comme je vous l'ai dit, Chas Chandler essaie, lui, de montrer son poulain à tout le monde. Donc son idée, donc là je suis revenu un peu en arrière, hein, le groupe n'est pas encore tout à fait fondé, puisqu'on est le 29 septembre, donc, Chas prend Jimmy et le fait jouer avec plein de gens. Et ce soir-là, il le fait jouer avec l'organiste Brian Auger. Dans cette soirée-là, Jimmy joue, jam avec Brian Auger à l'orgue. Johnny entend ou voit, parce que je ne sais pas comment ça s'est passé, est-ce qu'il y avait des sous-sols ou bref. En tout cas, il y a un son, il y a quelque chose qui attire Johnny. Et Jimmy, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son Jimmy, donc il fait ses gimmicks, j'imagine, il se roule par terre, il joue avec ses dents, il fait la totale, quoi. Et Johnny voit ça, il est subjugué. Comme l'a été Chas Chandler, comme l'a été Linda Kiss, et il dit, non, mais là, ça m'intéresse. Et le deal, en fait, entre Jim et Johnny se fait avec Lee Hallyday, qui était donc une sorte de père spirituel de Johnny. Et c'est donc Lee Hallyday qui parle à Chas Chandler et qui explique que Johnny va partir en tournée, une mini-tournée française, qui démarre 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard. Et donc, Jimmy, avec l'expérience qui vient juste de s'être créée, est embarqué dans la tournée de Johnny Hallyday. Et c'est pour ça, donc maintenant on le dit tellement souvent que je ne pense pas que ça étonne beaucoup de gens ici, mais en effet, alors ce n'est pas Johnny qui a découvert Hendrix, vous l'avez compris, mais en tout cas, il l'a découvert pour la France. Et contrairement à tout ce que notre ami Johnny a pu raconter plus tard, j'arrête pas de rectifier à chaque fois, cette tournée n'a compris que 4 dates. Parce que quand on entend Johnny, ils ont tourné 6 mois, ils ont tourné 1 an, enfin bon, c'est Johnny. 13 octobre, premier concert au monde de l'expérience, le 13 octobre, à Évreux, dans la base militaire. Donc Jimmy est en première partie. À chaque fois, il joue à peu près 10 minutes. Deuxième concert, le 14 octobre à Nancy. Troisième concert, le 15 octobre à Villerupt. Et le dernier concert, le 18 octobre, à l'Olympia. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et pour moi, c'est... je ne sais pas s'il y a des fans de Johnny dans la salle, mais pour moi, c'est sûrement la seule fois où Johnny a été ami avec son ami Jimmy et ça a duré 4 jours. Voilà, le reste, ce sont des élucubrations. Bref, avant son entente, donc on est en 66, la tournée donc française, le groupe revient, fait un peu de concert en Allemagne et assez rapidement, il faut absolument qu'un disque sorte. Alors je voulais quand même vous parler de l'histoire avec Clapton, qui a lieu le 1er octobre. Donc Chas Chandler entend que Clapton vient de monter un groupe qui s'appelle The Cream. Et évidemment, j'imagine, sur insistance de Jimmy, il faut que Jimmy soit à ce concert de Cream qui a lieu le 1er octobre au Lyceum à Londres. Et là, alors que Clapton est considéré comme Dieu, et personne ne joue avec Clapton, on ne sait pas si c'est Jimmy qui a insisté, si c'est Chas, si c'est... En tout cas, Clapton a accepté que pendant son concert, ce jeune Américain dont il n'a jamais entendu parler monte sur scène. Donc imaginez la tête de Jimmy. Et le 1er octobre, Jimmy arrive sur scène. Il va y avoir bientôt la deuxième vidéo. En fait, je vais vous parler d'une vidéo mais qui date de 67, mais là, je suis encore en 66. Bon, bref. Et donc, Jimmy est conscient que là, c'est un moment très, très important pour lui. Donc imaginez, il est américain, il est totalement inconnu. Il était encore en train de glander quelques mois avant. Il se retrouve sur la scène à Londres. Et voilà, il a sa guitare et il joue avec Clapton. Et là, il fait un titre qui s'appelle Killing Floor. Killing Floor, c'est un morceau du bluesman Howlin' Wolf. Mais la façon dont Jimmy le joue, à une vitesse inimaginable, il fait la totale et Clapton ne s'en est toujours pas remis. Et voilà, c'était la première confrontation entre les deux. Et on a toujours cette image, Chas Chandler l'a très bien raconté, où dans les backstage, Clapton, il est comme ça, il est tout tremblant, il n'arrive pas à allumer sa cigarette. Ah non, mais je ne savais pas qu'il était aussi bon. Enfin, voilà. Donc Jimmy a mis la claque de sa vie à Clapton, mais ils sont évidemment restés amis tous les deux. Donc j'avance dans le temps. Il faut sortir un single. Et donc, évidemment, c'est Hey Joe qui est le single qui sort le 16 décembre 66. Et ce n'est que le 15 mars 67, tiens, on arrive à 67, je vous donne la date du 15 mars parce que c'est la date où Johnny a sorti sa version de Hey Joe. Voilà, sa version en français. Et autre aparté, Johnny a dit plus tard, mais bien plus tard, que Jimmy avait joué sur une version alternative de Hey Joe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a fait pas mal de bruit. Moi, j'ai toujours su que c'était Bidon de chez Bidon. C'est arrivé en 93, cette histoire. Universal m'appelle en me disant « Yazid, on a trouvé des bandes. Il y a marqué JH sur la bande. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Bah, on a trouvé une version de Hey Joe, Johnny avec Jimmy. » Je dis « Mais c'est totalement impossible. C'est totalement impossible. »« Ah bon, mais c'est totalement impossible. » Je n'y ai jamais cru. Johnny a raconté plein de fois comment il a enregistré. Jimmy était là. Donc les gens qui ont acheté ce disque ont imaginé évidemment que voilà, il y a Hey Joe et puis vous avez Hendrix qui a la guitare sèche à côté. Non mais impossible. Et donc ce n'est qu'en 2017, l'année de la mort de Johnny, que Johnny, dans une interview en fin de DVD, quand l'écrivain qui faisait le documentaire lui a posé la question « Alors, avec Jimmy, comment ça s'est passé ?» Et c'est quelques mois avant sa mort que Johnny a dit « Je n'ai jamais joué Hey Joe avec Jimmy. » Voilà, fin de la parenthèse. Donc, j'avance, on est en 67, le Hey Joe est sorti. Au mois de mai, premier album « Are You Experienced » qui arrive dans les bacs et qui casse tellement la baraque qu'il arrive numéro 2 après Sgt Pepper. Alors évidemment, quand on dit ça maintenant en 2024, les gens ne réagissent pas, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque en 67, et vous avez Jimmy totalement inconnu qui sort un premier album et qui arrive numéro 2 juste derrière Sgt Pepper. C'est, voilà, moi, ça m'éclate toujours. Et c'est donc au mois de mai, on va bientôt y arriver, que sur insistance de Paul McCartney, il y a un festival qui est en train de se créer en Californie, organisé par John Phillips et Lou Adler. John Phillips étant un des participants au groupe Les Mamas and Papas. Eux, ils sont en train de monter leur festival en Californie, donc le Grateful Dead, Janis Joplin, Otis Redding, compagnie. Sauf qu'ils ne savent pas ce qui se passe en Europe. Et ils ont des conseillers artistiques, comme ça se fait encore aujourd'hui. Et les conseillers artistiques qui s'occupent de ce qui se passe en Europe sont Andrew Lou Goldin, le manager des Stones, et Paul McCartney. Et donc, les conseillers entendant parler de la tenue de ce festival, premier festival Peace and Love, donc en Californie en juin 67, McCartney dit à John Phillips, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire un festival pareil sans Jimi Hendrix. Mais eux, ils savent pas qui est Hendrix, parce qu'Hendrix ne cartonne qu'en Europe. Et donc, c'est sur insistance de McCartney que Jimmy, il est où, et surtout Jimmy, est rajouté à l'affiche du festival de Monterey. Bon, c'est important parce que, d'ailleurs, je pourrais même m'arrêter là, parce que souvent, je dis, en exagérant, si Jimmy était mort après le festival de Monterey, ça serait pareil. Bon, évidemment, j'exagère. Mais le fait qu'il ait fait ce festival, hein, donc il débarque, il fait super beau, on est en mois de juin, il a fait, alors évidemment, on est en mois de mai, en juin 67, il a beaucoup tourné en Europe, donc il a une grande expérience de la scène, il a fait tous les délires possibles en Angleterre. C'est d'ailleurs en Angleterre, le 31 mars, lors d'une tournée anglaise, qu'il a expérimenté pour la première fois le fait de mettre le feu à sa guitare, parce qu'il y avait une rivalité entre les Who et Hendrix. C'était vraiment les deux groupes qui cartonnaient à l'époque. Et donc, à chaque fois, vous avez forcément dû voir des images des Who, il n'y a pas un concert des Who où la scène n'est pas dévastée, les guitares explosées, la batterie en l'air, enfin bref. Et Jimmy doit jouer après, c'est carrément impossible. Et donc, à un moment donné, le manager se dit « Merde, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire plus fort que les Who ?» Et là, il y a Keith Oldham, un guitariste anglais qui dit, qui était pote avec toute la bande, et qui dit mais pourquoi il foutrait pas le feu à sa guitare ? Et Chas Chandler, ah c'est pas con ça, mais faisons ça, faisons ça. Et donc l'effet ou l'essai a été réalisé donc le 31 mars à Finsbury Park. Une fois, ça a fonctionné. Et donc Nous sommes cette fois-ci en juin 67 au Festival de Montreuil. Énorme festival. Les filles sont belles, il fait beau, tout le monde est complètement high. Jimmy est inconnu, on est d'accord. Il est connu en Europe, mais il est américain. Donc il a toujours eu évidemment cette envie de vaincre sur le sol américain qu'il a vu naître. Et donc là, imaginez, après toutes ces années entre septembre où il arrive à Londres, mois de juin, il se retrouve sur la scène de Monterey, en Californie. Il est beau comme un dieu, il est avec Mitch, il est avec Noël, il y a 30 000 personnes dans la salle. Alors les gens ont du mal à s'en rendre compte, mais qui introduit Jimmy sur scène ? Brian Jones des Rolling Stones, donc énormissime, parce que Brian a fait évidemment le chemin en avion pour son pote Jimmy. Et quel est le premier morceau que Jimmy va jouer au Festival de Monterey ? Killing Floor, le morceau avec lequel il a éclaté Clapton quelques mois avant. Et donc l'extrait, enfin je vais y arriver, normalement c'est Killing Floor au Festival de Monterey. Je ne m'en lasse pas. Voilà, c'était Jimmy au Festival de Monterey. Bah, je vous conseille évidemment la vidéo. Là, on n'a vu qu'un morceau, mais il faut tout voir, quoi. Et c'est donc à la fin de ce concert où il y a le sacrifice de la guitare. Donc ça, il faut que je vous la raconte. Donc on est dans les backstage. Évidemment, les Who sont au programme. Voilà, les mêmes choses qui sont passées en Angleterre. À un moment donné, il y a les Who, il y a Jimmy, mais personne ne veut jouer après l'autre. Vous savez, aujourd'hui, quand il y a un festival, c'est forcément le plus costaud qui joue à la fin. Mais là, personne ne voulait jouer après l'autre. Vu ce que les Who font sur scène, après, on ne peut pas passer. Et donc, pareil, tirage au sort. Voilà, hop. Et Jimmy perd Jimmy perd, donc il joue après. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas si effectivement ils disent qu'il monte sur la chaise, qu'il prend sa guitare. Enfin bon, en gros, il dit « Ok, j'ai perdu, je joue après, mais je vais casser la baraque. » Évidemment, il reproduit ce qu'il a fait à Londres, à Finsbury Park, le 31 mars. Là, on est 18 juin. Et donc, les images, je ne vais pas vous les montrer, elles sont sur YouTube, elles sont partout. Et donc, tout a été préparé. Et donc, à la fin du set, juste avant de faire Wild Thing, ben voilà, il a sa petite fiole d'essence. Hop, il s'agenouille. La guitare est par terre, il arrose d'essence et voilà. Et là, il rentre dans la légende du rock et c'est une des images les plus iconiques. Le problème de cet acte, c'est que évidemment, ça l'a fait connaître du monde entier, parce qu'évidemment, il y a eu le film qui est sorti plus tard. Là, directement, il était inconnu, il a été booké dans des concerts le lendemain. Enfin, c'était la folie. Il a fait très très fort et le problème, c'est que ça s'est retourné contre lui, puisque à chaque concert, le public attendait qu'il refasse la même chose. Alors, j'en profite ici pour vous dire que sur les 527 concerts que Jimmy a fait, donc entre 66 et 70, il n'a brûlé sa guitare que 3 fois. Voilà, comme ça c'est dit. Par contre, le nombre de fois où il a éclaté sa guitare, là on ne compte pas, mais le sacrifice par le feu, 3 fois. Oui, parce que j'ai quand même des images à vous montrer, et donc comme il ne me reste pas beaucoup de temps et que je parle beaucoup, il fallait que je vous montre les images de Miami, que tout le monde ne connaît pas. C'est une vidéo que la sœur de Jimmy, donc, qui s'occupe de tout son business, nous a trouvé en 2018. Donc rendez-vous compte, nous on est fans, on a les pirates, on a tout, et tout d'un coup la sœur nous sort, il y avait à peu près un quart d'heure ou 20 minutes, des images du festival de Miami en mai 68 que nous n'avions jamais vues de notre vie. Donc là c'est la folie totale. Surtout que la plupart des images qu'on a de Jimmy, bah, évidemment les concerts ça se passe le soir. Donc là vous allez voir Foxy Lady. Jimmy, il est, alors chaque fois je dis il est beau comme un bon, bref, à vous de juger. Il est en pleine forme, on est au mois de mai. Le festival a été organisé par Michael Lang, qui un an après organisera le festival de Woodstock. Et donc Jimmy fait Foxy Lady, et vous allez comprendre voilà, qui était Hendrix et pourquoi on était en émoi. Il est magnifique, il a une petite mèche qui s'est fait teindre sur sa coupe afro. Il a le petit bandeau autour de... Enfin bon, il est à tomber. Voilà, Foxy Lady. Foxy Lady. Celine. Here I come, baby. Coming to get you. Il me reste très peu de temps. Bon, je vous ai montré des images de Jimmy en live. Jimmy en live, c'est bouchez-vous les oreilles, c'est voilà. Mais il faut quand même savoir que c'était quelqu'un. Alors, ça se voit pas vraiment, mais d'extrêmement timide, d'extrêmement calme, qui avait une voix toute douce, qui était voilà. Mais sur scène, c'est voilà, c'est un autre personnage. Il y a une vidéo que je vais vouloir vous montrer. Ça va être la fin de la conférence, mais avant, je voulais quand même dire deux trois choses. Donc 67. 68, c'est une année dingue pour lui parce que il fait un nombre de concerts mais considérable pendant plusieurs mois. C'est n'importe quoi, c'est-à-dire que normalement quand vous faites un concert, si vous jouez à Lyon, vous allez après à Saint-Étienne. Non, c'était genre on l'appelle à Marseille et puis le lendemain on l'appelle à Strasbourg et puis en fait on le rappelle après à Nice. Voilà. Donc, bon, bref. Mais bon, avec quelques pilules, ils sont jeunes, ils sont voilà, ils dormaient pas, ils faisaient la fête, la cam. Ouais. Donc sa vie, c'était les avions, les groupies, les interviews, les concerts, les soundchecks. C'était ça pendant 4 ans. Au bout d'un moment, évidemment, ça explose. Donc 68, on ne sait pas dans quelles conditions, mais il sort quand même son chef-d'œuvre. Alors avant, il y a quand même l'album Axis Bold as Love, que je recommande énormément, qui est sorti la même année qu'Radio Experience. On a d'ailleurs du mal à comprendre que ce soit les mêmes musiciens, tellement ça n'a rien à voir. En 68, fin 68, en octobre, sort donc son chef-d'œuvre Electric Ladyland, double album. 69, énorme année pour Jimmy, je pourrais parler pendant 2 heures de 69. Il a été chopé avec de l'héroïne dans son sac, on lui a mis à son insu. Il a toujours déclaré que lui, il a pris toutes les drogues imaginables, sauf l'héroïne. Donc j'en profite pour dire qu'il est mort d'une overdose. C'est ce qui a été annoncé à la télévision. Quand on dit overdose, on pense à la drogue. Il a fait une overdose de médicaments. Il a fait une overdose de somnifères. Voilà, il voulait dormir un peu plus longtemps. Il a pris des somnifères. Il en a pris 9. Il s'est étouffé. Il n'est absolument pas mort de picus, de piclos. Il ne sait pas, il ne s'est jamais drogué. Enfin, il ne s'est jamais drogué. Oh, quelle bêtise. Il n'a jamais pris d'héroïne. Ce n'est pas son truc. Mais il a toujours dit, j'ai pris toutes les drogues possibles et imaginables, sauf l'héroïne. Donc, il a eu pendant 9 mois un procès qui lui a couru sur la tête parce qu'il était possible qu'il parte en prison pour 10 ans. Et donc, il avait cette chape de plomb pendant toute l'année 69. Et ce n'est que le 10 décembre 69 qu'il a été acquitté. Voilà, ouf. Au mois d'août 69, le festival de Woodstock. Bon, pas la peine d'en parler, hein, festival de Woodstock. 69 aussi, au mois de juin, c'est le dernier concert de l'expérience, le dernier concert avec Noël Redding, qui apprend à un moment donné par des journalistes, « Ah, mais t'es au courant, Jimmy, il y a un autre bassiste. » Le bassiste dont je vous avais parlé, qu'il avait rencontré à l'armée, Billy Cox, avec qui Jimmy n'a jamais rompu les ponts. Et comme avec Noël Redding, c'était, ils s'en sont venus carrément aux mains. C'est-à-dire que Noël était frustré en tant que bassiste, alors qu'il était guitariste. Malgré leur animosité, il a quand même réussi, Noël Redding, à placer un titre dans l'album Axis Bold as Love. Il a quand même réussi à placer un titre dans l'album Electric Ladyland. Mais pendant l'enregistrement de Ladyland, voilà, il n'en pouvait plus. Il allait souvent au pub. Et d'ailleurs, si vous écoutez Ladyland, quand vous regardez la composition des morceaux, il y a 60% des morceaux, c'est un double album, hein, où la basse, c'est Hendrix qui la joue, c'est pas Noël Redding. Voilà. Donc, en 69, le 29 juin, Noël Redding, à l'issue du concert de Denver, il quitte le groupe. Voilà. Donc, Jimmy, il faut qu'il trouve un autre groupe. À Woodstock, c'est pas du tout l'expérience. Il monte un groupe qui s'appelle Gypsy Sun and Rainbows, avec un autre guitariste, Larry Lee, qu'il avait aussi rencontré à l'armée, avec deux percussionnistes, Juma Sultan et Jerry Velez, toujours avec le fidèle Mitch Mitchell. Fin 69, alors j'ai pas le temps, mais je vous avais parlé des galères de Ed Chalpin qui lui avait fait signer un contrat. En fait, ce Ed Chalpin, quand il a vu comment Jimmy explosait à partir de 67, il s'est dit, mais je l'ai signé moi pendant 3 ans. de 65, mais c'est toujours mon artiste. Donc Ed Chalpin a ressorti les bandes qu'il avait de Jimmy avant la notoriété et il a inondé le marché avec ses disques à lui en mettant des photos de Jimmy, le Jimmy qu'on connaissait, en mettant en gros Curtis Knight, Jimi Hendrix, donc ça a foutu le bordel parce que les gens ne comprenaient pas, et donc il a vendu beaucoup de disques. Bref, ça a été une galère pendant des années avec Ed Chalpin, et donc finalement ils sont arrivés à un accord, c'est de se dire, ok, pour que j'arrête de vous embêter, vous me devez un album. Et donc ils ont fait un deal avec Capitol, et donc l'album qui a été un peu la session, le fait que Ed Chalpin arrête de les embêter, c'est le fameux album du Band of Gypsies, parce qu'il ne fallait pas que ça soit l'expérience. Donc Jimmy est emmerdé, mais ses potes sont toujours là avec lui. Donc Billy Cox et le batteur Buddy Miles a dit « Ok, nous on va t'aider, on va te sortir de là ». Donc ils ont répété pour monter 4 concerts au Fillmore. Et des 4 concerts, les 2 derniers ont donné le fameux album « Band of Gypsies », qui est l'album le plus funky, le plus, voilà, pour certains d'ailleurs. C'est genre « Moi je n'aime que le Band of Gypsies », certains d'autres, les gens ont plusieurs périodes. Mais le Band of Gypsies, c'est le seul groupe 100% black avec lequel Jimmy a joué. Bon, j'ai pas le temps, mais je vous aurais montré le Machine Gun, Machine Gun au Fillmore. C'est... Bon, bref, on n'en parle pas. Et donc, je voulais terminer la conférence un peu rapidement avec un extrait du concert le plus attendu par tous les fans de la Terre, qui est le concert du 24 février 69 au Royal Albert Hall. Tous les fans connaissent l'audio, c'est-à-dire que c'est le concert le plus piraté au monde de Jimmy. On a toutes les bandes en audio, on a des bandes qui ont circulé en vidéo, mais ce concert en vidéo n'est jamais sorti officiellement. Et depuis 69, les fans attendent que la sœur de Jimmy sorte ce concert. Moi, je sais très bien que le jour où elle sortira ce concert, qu'on attend tous, mais comme des oufs, elle n'aura plus rien à sortir derrière, parce qu'il n'y a rien de plus fort que le festival, enfin que le concert de 69. 69, c'est extraordinaire, c'est les plus belles versions Little Wings, c'est la plus belle version... Drum Full of Mirrors de Stone Free. Et moi, j'ai eu la chance, c'était quand ? C'était en octobre 2019, pour des raisons juridiques, on a appris que le concert du 24 février 69 était projeté au Royal Albert Hall à Londres une seule fois. C'est tout. Donc je me suis précipité à Londres pour voir le concert, la salle n'était pas remplie. Et on a su après que si ils ont décidé de passer ce concert en 2019, c'était pour les fameux droits de 50 ans, ce qui fait que le fait de passer ce concert payant, ils pouvaient encore attendre 70 ans avant de nous le sortir. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça sortira, ce fameux putain de concert. Mais ne le dites pas, j'ai un extrait, qui est en fait le dernier morceau, qui s'appelle Smashing of Hems. Donc vous imaginez, on est le 24 février, la foule c'est un délire pas possible, il aura mis l'enfer pendant une heure et demie. Il termine avec Wild Thing, donc le fameux morceau où généralement il brûle sa guitare, donc il va faire son speech. Je ne sais pas si vous connaissez les valises Samsonite, les pubs Samsonite de l'époque, mais c'était il y a 40 ans. C'était une pub, vous avez la valise et vous aviez un éléphant qui marchait dessus qui montrait qu'elle était incassable. Et ben, j'aime bien dire que la Fender, c'est un peu la Samsonite, parce que Jimmy, bon, il est un peu musclé, mais enfin, il est un peu comme ça. Comme quoi, ça explique la résistance d'une Fender Stratocaster, parce qu'il va quand même mettre beaucoup de temps avant de la casser. Donc voilà, je vous ai déjà tout spoilé. Je vous laisse avec cet extrait donc, de Smashing of Hems, qui est le dernier morceau qu'il a joué donc à Londres, à l'Albert Hall, et la guitare, enfin, ce qui reste de la guitare que vous allez voir, on va pas faire au ralenti, mais à un moment donné, on voit même quelqu'un monter sur scène et piquer la guitare. Mais il faut le voir en ralenti, mais je vous le dis à l'avance, mais vous aurez du mal à le... Il y a eu une expo à la Cité de la Musique en 2002, et bien à l'expo, on a retrouvé un bout de la guitare, de cette guitare-là. Voilà, donc je vous laisse avec Jimmy, l'expérience, Noël Redding est encore là. Attention, ça fait mal aux yeux, ça pique. You move, look at it. We'll be right back. son sensible spécial Jimi Hendrix. Merci le Rhino Jazz Festival. Merci Yazid Manou, journaliste spécialiste d'Hendrix que vous venez d'entendre à l'instant lors d'une conférence enregistrée le 10 octobre dernier, 10 octobre 2024, à l'occasion du Rhino Jazz Festival pour un événement hommage, soirée Éternel Hendrix ou Hendrix Éternel qui avait lieu à l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne dans le cadre du Rhino Jazz avec cette conférence de Yazid Manou et s'en suivait encore des concerts hommages avec le Nina Attal Electric Ladyland ou Thomas Naïm Solo. Une émission spéciale à l'occasion de cet événement en effet, et hommage à Hendrix en octobre dernier, la veille du 10 octobre d'ailleurs, le 9 octobre c'est également la projection du film anglais de John Ridley que je peux aussi vous recommander et qui comme ça balaye aussi dans l'essentiel la carrière de Jimi Hendrix, le film All Is By My Side. Une émission spéciale à l'occasion d'une date anniversaire de sortie du deuxième album du groupe de The Jimi Hendrix Experience, Axis Bold as Love. Alors, petite précision, voire rectificatif, ce mois de janvier anniversaire, alors Axis Bold as Love est sorti au Royaume-Uni le 1er décembre 67 et j'ai annoncé en ouverture de ce programme la sortie américaine le 15 janvier 68. Or, et d'après notamment la page officielle de Jimi Hendrix via le réseau social que l'on connaît bien, la date de sortie américaine et canadienne est annoncée au 10 janvier 68. Bref, en tout cas, c'était l'occasion d'un hommage. Désolé si nous sommes parfois dans l'approximatif. En tout cas, ce sont parfois aussi des récits subjectifs et partiels autour de cette incroyable histoire de Jimi Hendrix. Seulement 4 ans de carrière pour cet artiste qui est devenu l'un des meilleurs guitaristes de tous les temps. Et puis, autre petite précision, car j'ai ponctué aussi cette conférence d'extrêmes musicaux, en tout cas c'est ce que proposait aussi Yazid Manou, et j'ai à un moment donné fait extrait d'une séance live à l'Olympia. Yazid Manou donnait cette parenthèse avec cette histoire autour de notre Johnny Hallyday national et j'ai placé en effet cet extrait live que proposait Yazid Manou de l'Olympia le 9 octobre 67 alors que Yazid Manou effectivement l'avait proposé en fin de d'intervention relatant donc cette première partie à l'Olympia toujours, donc c'était aussi pour la date parisienne d'Hendrix, première partie d'Hallyday qui avait eu lieu le 18 octobre 1966. Bref, voilà pour Jimi Hendrix décédé le 18 septembre 1970 à Londres, né le 27 novembre 1942 à Seattle aux États-Unis. Alors il reste bien sûr cet héritage imposant discographique, on l'a dit, hein, 4 albums essentiels. Are You Experience, sorti en 67, Electric Ladyland en 68, Axis Bold as Love, donc le deuxième album sorti en 67, début 68, suivant les géographiquement lieux de sortie, 3 albums studio et un album live, Band of Gypsies, donc sorti en 1970, alors que disparaissait en effet Jimi Hendrix, tragiquement, le 18 septembre 70, l'histoire de la vie est plus rapide qu'un clin d'œil. L'histoire de l'amour est un bonjour et un au revoir jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Ce serait un texte que Jimmy aurait laissé le jour de son décès et que nous rappelle Yazid Manou au sein de cette docu-BD dont je vous ai parlé en ouverture de ce programme. Jimi Hendrix paru aux éditions Petit à Petit. Travail collectif, puisque bon nombre de dessinateurs et dessinatrices ont illustré aussi ces textes documentaires de Yazid Manou. Alors, revenons sur, et pour conclure, ce second album dont on a choisi comme prétexte là pour assurer la diffusion de cette conférence et cette date sortie anniversaire, simple prétexte. En effet, reste que Axis Bold as Love reste une référence absolue et un album. C'est tout à fait subjectif. mais absolument essentiel dans cette courte discographie de Jimi Hendrix, qui se poursuit, hein, puisque vous l'avez entendu, Yasinma nous l'a rappelé, les disques posthumes se poursuivent, la sœur de Jimi Hendrix en est l'héritière aujourd'hui et ayant droit. Et bien, pour exemple, un coffret Jimi Hendrix Vision Electric Lady Studios est sorti. C'est un coffret 5 albums, me semble-t-il, au mois d'octobre dernier, 2024. Axis Bold as Love, album essentiel, comme je le disais. Et pour reprendre les quelques anecdotes qui entourent aussi cet album, je le disais, des sessions qui se sont étalées sur plusieurs mois, mais c'est fin octobre 67 que le groupe a finalisé l'album, du 25 au 30 octobre, selon la page Wikipédia dont je prends référence. Le lendemain de la finalisation finalement de ces sessions d'enregistrement, donc le 31 octobre, alors que l'enregistrement et le mixage viennent de se terminer, un événement va presque retarder. On parle justement de date de sortie prévue de l'album, puisqu'Hendrix se rend à une fête en emportant les bandes originales de l'album, mais oublie celles contenant les titres de la première face dans le taxi qui l'emmène à cette fête et qui demeure perdue à jamais. Et donc voilà, ce sont les ingénieurs aussi, Chas Chandler et Eddie Kramer, qui ont remixé la majeure partie de la première face en une seule session de nuit. Et Hendrix avait exprimé avoir été déçu, une déception, d'avoir remixé l'album si rapidement. Il a estimé que cela aurait pu être mieux s'ils avaient eu plus de temps. Bon, bref, que cet album reste d'une qualité indéniable, d'une approche de créativité, d'exploration sonore et musicale incroyable. Et puis, bien au-delà du contenu sonore, c'est l'aspect visuel aussi qui est important pour cet album. L'illustration dépeint Hendrix et l'expérience illustration de cet album comme diverses formes de Vishnu, incorporant une peinture 2 par Roger Lowe, à partir d'un photoportrait de Carl Ferris. Elle est imprimée sur le recto et le verso de la pochette dépliable, avec le haut de l'image en recto et le bas au verso. Et le journaliste de Melody Maker, Nick Jones, décrit l'œuvre d'art comme un magnifique paquet dépliable qui compense le très mauvais visuel de la pochette anglaise d'Are You Experienced. Comparant le design à la pochette du récent Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, il ajoute qu'il montre Hendrix avec beaucoup de chats et de dieux indiens à l'air bizarre, des sages et un gars avec une trompe d'éléphant pour un nez ou quelque chose du genre. Hendrix qui a exprimé sa consternation face au choix de cette pochette. Il aurait déclaré que l'illustration aurait été plus appropriée si elle avait mis en évidence ses origines amérindiennes. L'image peinte de l'expérience a ensuite été superposée sur une copie d'une affiche religieuse produite en série. Et Hendrix a commenté, je cite, « Nous n'avons tous trois rien à voir avec ce qui est sur la pochette d'Axis. » Contrairement à l'album précédent, les éditions britanniques justement et américaines présentaient le même visuel. Les hindous ont depuis exprimé leur colère face à l'appropriation de la divinité Vishnu pour la pochette et l'affiche de l'album. Et le ministère de l'Intérieur du gouvernement malaisien, afin de protéger les sensibilités religieuses à la suite de plaintes, a interdit l'œuvre d'art à partir de juin 2014. Bon, voilà pour quelques anecdotes autour de cet Axis Bold as Love du Jimi Hendrix Experience, avec lequel nous allons définitivement terminer ce programme des sons sensibles spécial Hendrix, avec précisément bien le titre qui boucle l'album et qui en donne le titre principal, Bold as Love, pour terminer. Merci encore à Yasin Manou, toute l'équipe du Rhino Jazz Festival. On se quitte sur ce. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. Ciao, bye. Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy, envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Just ask the Axis. My red is so confident he flashes trophies of war and ribbons of euphoria. Orange is